la ville. Ce bruit blanc appartient aux merles de l'aube à l'aurore. Le projet peut être du registre de la fiction, du documentaire, du reportage, ou encore strictement sonore, bruitiste. Mais doit toujours dérouler une histoire. Il va se passer quelque chose. Un épisode. Le merle ne va pas fléchir, mais les hommes éveillés se demanderont. Tu les as entendues, toi aussi? Qu'est-ce qu'elles avaient? Qu'est-ce qu'il leur a pris aux corneilles ce matin? Le projet peut être du registre de la fiction, du documentaire, du reportage ou encore strictement sonore, bruitiste, mais doit toujours dérouler une histoire. Il n'y a pas d'histoire pour les merles. Le merle, les merles, continuent comme devant. Le bruit blanc de la ville leur appartient de l'aube à l'aurore. Il y a eu certes un épisode, l'épisode des corneilles. Mais le merle, mais les merles n'ayant pas fléchi, sont-ils concernés par cet épisode des corneilles? Est-ce même pour ces corneilles un épisode, une histoire à dérouler ?